Wonder Superstition sur France Bleu. Le camp de base France Bleu Isère, le rendez-vous des amoureux de la montagne. Et on est toujours avec Eric Attès, l'organisateur du Salon de l'Escalade. C'est la 4e édition cette année qui se déroule à l'Alpexpo de Grenoble. Et puis on accueille également par téléphone maintenant Benjamin Verlière. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, comment ça va? Eh bien très bien, et vous-même? Très bien, merci. Et merci de m'accueillir sur votre antenne. Eh bien, c'est un plaisir. Vous êtes donc, vous serez un des exposants à ce salon de l'escalade? Absolument, absolument. C'est un événement incontournable. Donc, on y fera, nous, la marque YY verticale pour ces deux jours, le 29 et 30 septembre. Voilà. Donc si on veut vous trouver précisément, ce sera le stand H3 à proximité du mur d'escalade. Je vous ai cherché sur le plan. Concrètement, qu'est-ce que c'est YY vertical? Racontez-nous un peu. Alors YY vertical, nous on est une marque d'escalade qui développe des produits innovants, des produits bien pensés autour de 5 familles que sont l'échauffement, l'entraînement, la grimpe, la récupération et l'univers grimpe. D'accord. Alors moi, il va falloir m'expliquer en tant que personne pas professionnelle et puis pas tellement informée dans ces domaines-là, ce que veulent dire toutes ces différentes activités et puis les nuances entre elles, s'il vous plaît, Benjamin. Ok. Ouais. Et ben en fait, c'est une ligne rouge un petit peu directive. Donc dans tous les sports, notamment en escalade, avant de pratiquer son sport, avant de grimper, on va bien évidemment s'échauffer. Ouais. Notamment les doigts, le dos, les jambes. Ensuite, on va venir s'entraîner. Donc pour ça, on a développé des agrès en bois qui se transportent ou des poutres d'entraînement qu'on appelle les vertical boards qui sont destinés à tous les niveaux de grimpeurs, autant le débutant que l'expert. Et puis une fois qu'on s'est bien échauffé, une fois qu'on est bien entraîné, on peut aller grimper. Et dans ce cas-là, on a des sacs à magnésie, on a des brosses, on a plein d'outils, on a des lunettes d'assurage. On est très connu pour nos lunettes d'assurage, étant donné que c'est nous qui avons vraiment lancé ça, démocratisé ça en 2013. Et puis bien évidemment, après l'effort vient la partie récupération, si on veut pouvoir se lancer à nouveau le lendemain. Et puis on a une partie également univers grimpe qui va être assez orientée goodies, avec des mugs, avec des prises en forme d'escalade, des porte-clés en forme de coinceur, ce genre de choses. Et est-ce que vous vous échauffez, vous, Eric, avant d'aller grimper? Bah écoutez, oui, parce que je commence à avoir quelques années au compteur, donc je pense que c'est juste indispensable de s'échauffer si on veut pas se blesser en escalade. Voilà. Alors. C'est pas pour mon niveau, c'est plus pour mon âge avancé. Alors moi, je vais vous demander de vous mettre d'accord sur un mini kit de survie. Quels sont les essentiels à prendre avec nous? Alors, je vais dire Benjamin en premier. Allez, Benjamin, qu'est-ce qu'on prend dans un sac à dos? Alors dans mon sac à dos, je vais prendre mon climbing ring qui va me permettre de bien échauffer les doigts. C'est ce qu'il y a de plus important, j'ai envie de dire, en escalade, de bien s'échauffer les doigts si on veut pas se faire une poulie ou un lombrical. Mmh. Ensuite, je vais prendre ma baguette pour l'entraînement et aussi l'échauffement. Ça tient dans mon sac à dos, c'est parfait. C'est un outil qu'ont la plupart des grimpeurs professionnels. Je vais prendre ma lunette d'assurage si je fais de la falaise, si je fais de la voie, bien évidemment. Sinon, également mon sac à magnésie en forme de panda. C'est rigolo, c'est mignon. On fait toujours sourire, et sourire quand on grimpe, c'est quand même vachement sympa. Et puis ensuite, je vais prendre mon choc mini, qui est mon appareil à massage ultra compact, ultra léger, pour pouvoir bien récupérer. Si j'ai des bouteilles quand je grimpe, hop, un petit coup de massage, et puis je suis reparti directement. Et Eric, des choses à ajouter à tout ça? Bon, moi, je dirais une paire de chaussons d'escalade, la base. C'est important. Voilà, pour faire du bloc ou de la voie ou de la grande voie. Et puis, l'escalade, c'est avant tout, en fait, un sport de... Ça peut être un petit peu paradoxal parce qu'on grimpe seul, mais c'est avant tout, c'est un sport hyper convivial, en fait. Donc, venir avec ses potes et organiser une petite session grimpe, voilà, c'est le plus important, je pense, dans sa besace. J'aime bien la nuance parce que Benjamin y allait à poil grimper tout seul. Et puis vous pensez aux essentiels, Eric. En tout cas, merci beaucoup, Benjamin Verlière. Ça me fait plaisir, merci beaucoup de m'avoir invité. Et on le rappelle, donc, vous êtes le responsable marketing de la marque YY Vertical. Et on pourra vous retrouver à proximité du mur d'escalade au Salon de l'Escalade, justement, qui commence vendredi, qui n'est pas ouvert à tout le monde vendredi. Et vous pourrez, donc, chers auditeurs et auditrices, aller les voir samedi.